بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 4 Rabi' al-Thani de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 29 octobre 2022. Nous nous retrouvons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de poursuivre l'étude des fatawa de l'allama Ahmad ibn Yahya al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la sunna, qui sont au sujet de l'manhaj al-salafi, la méthodologie salafi. Dans la 17e question qui a été posée au Cheikh, rahimahullah, هل دخول الانتخابات البرلمانية وسيلة شرعية لنصرة الدين أم لا? Est-ce que l'accès aux élections parlementaires représente un moyen légiféré pour faire triompher la religion ou pas? Sa réponse était non, tout court. C'est pas un moyen légiféré. Je dis car il y a beaucoup d'ignorants qui ignorent tout d'abord la législation islamique et qui ignore également la réalité de ces parlements et leurs principes de fonctionnement. Et avec toute cette ignorance, ils pensent qu'on peut tomber dans un mal pour accéder à ces parlements et une fois dedans, nous pourrons décider et même mettre en application la législation islamique, et ainsi de suite. Et ça, c'est dû à leur ignorance de la religion tout d'abord, et aussi à leur ignorance de la réalité, car ils accusent souvent les savants d'être ignorants de la réalité. C'est eux qui savent la réalité, eux qui lisent le New York Times ou les journaux français ou les magazines, c'est eux qui connaissent la réalité. Et les savants du livre d'Allah et de la sunna de son prophète, pour eux, ils sont ignorants de la réalité. Ils savent uniquement ce qui concerne les monstrues des femmes, les élochis, et ainsi de suite. Comme si le Coran a été révélé pour un monde imaginaire et n'a pas été révélé pour la réalité. Et ça, c'est un cumul d'ignorance. C'est ce qu'on appelle « jahlun murakkab », une ignorance composée de plusieurs ignorances. Le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, est le meilleur moyen pour connaître la réalité et pour savoir ce qui réforme toute l'humanité. Et celui qui connaît le Coran le mieux et la sunna du prophète ﷺ au mieux, c'est celui qui saura le plus la réalité. Donc c'est pour ça qu'ils essaient et qu'ils tombent dans ces péchés en prétendant vouloir réformer. Et comment tu peux réformer si tu ne te réformes pas toi le premier ? Réformer ta science, qu'elle soit conforme au livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des compagnons radiallahu anhum. Réformer ta aqida, réformer ton suivi de la sunna dans ton apparence, et cela quand tu les vois d'une manière générale, tu vois les non-conformités à la sunna dans leur apparence. comment quelqu'un il peut prétendre réformer la Umma alors qu'il n'arrive pas à se réformer lui-même, encore moins à réformer son foyer. Mais ces gens-là, en réalité, ils ne visent que l'accès au pouvoir et au statut. C'est pour ça la plupart d'entre eux, dès qu'ils ont accès à l'autorité, au pouvoir, ils deviennent président ou maire d'une ville. La première chose qu'ils font, c'est de se désavouer de la charia. Ils se désavouent de charia. Et j'ai entendu l'un d'entre eux dire, dès qu'il a accédé au pouvoir, dans son premier discours, il a dit « Aujourd'hui, la démocratie a triomphé. » Allahu Akbar. Celui qui appelait avant à appliquer la religion, à appliquer l'islam, à réformer le pays conformément à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'il accède au pouvoir, il dit explicitement « Aujourd'hui, la démocratie a triomphé. » Il a dit par la suite qu'il n'avait pas du tout l'intention d'appliquer les sharia. Wallah al-musta'an. C'est pour ça, ne soyez pas leurrés par les slogans de ces gens-là avant d'accéder au pouvoir. Leur but, c'est al-karasi. C'est ce qu'on appelle les chaises. C'est d'accéder au pouvoir et d'avoir l'argent et la richesse. Si tu es sincère dans ta volonté de réformer, commence, si tu es vraiment sincère, commence par te réformer toi-même. Réforme ton foyer. Qui t'empêche de réformer ton foyer? Qui t'empêche que ton foyer soit conforme à la loi d'Allah dans tous ses détails? Bien évidemment, il ne peut appliquer cela que celui qui a appris sa religion. Vous voyez, le chemin, il est long. Peut-être que tu vas commencer la démarche de la réforme et tu ne verras pas pendant ton vivant les résultats. Mais ils seront inscrits auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces gens-là, ils veulent les résultats rapides. Un coup d'État en une nuit, le lendemain, il est au pouvoir. Mais quand tu médites sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, tu vois que ce n'est pas ce chemin qu'il a emprunté pour la réforme. Même on lui a proposé le pouvoir, il l'a refusé. On lui a proposé le pouvoir, on lui a proposé la richesse, on lui a proposé les femmes. Il est resté sur sa da'wa, son appel au tawhid, la réforme des cœurs. Une fois que les cœurs ont été réformés avec l'aqida authentique, après, Allah subhanahu wa ta'ala a permis tout ce qu'il a permis à la Umma en un laps de temps très court. Au point où cette communauté qui n'avait aucune valeur avant l'islam est devenue la communauté dominante sur terre. Et l'État dominant sur terre, qui était craint par tout le monde, même par les plus grands empereurs. Voilà la méthode de la réforme. Ça ne passe pas par la politique basée sur le mensonge et la tricherie et la tromperie. Ça ne passe pas par les parlements. Ça passe par la science bénéfique et profitable. Et la da'wa au tawhid tout d'abord et aux autres enseignements de l'islam. Dans la 21e question, pour ceux qui suivent avec nous dans le livre arabe, Cheikh a été interrogé, rahimahullah, on lui a dit: ما وصيتكم لطالب العلم المبتدئ وما هي الكتب السلفية التي توجهونه إليها وكذلك الأشرطة. Quel est votre conseil? Quelles sont vos recommandations pour l'étudiant en sciences débutant? Quels sont les livres salafis que vous lui recommandez? Et les cassettes, on peut dire aujourd'hui les audios, que vous lui recommandez d'écouter? Il a dit, mon conseil pour les étudiants en sciences tous, qu'ils soient débutants ou en phase avancée dans la demande de sciences. Il n'y a pas de phase finale dans la demande de sciences. Là, il y a débutant, il y a intermédiaire, il y a avancé, car l'ilm n'a pas de fin. La science, la demande de la science, jusqu'à la tombe, comme disait l'imam Ahmad, rahimahullah. Ma'a al-mahbarati ila al-maqbara. Donc, ce qu'il recommande à tous les demandeurs de science, tous ceux qui apprennent leur religion, il leur recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre la méthode du prophète alayhi salatu wa salam et de ses nobles compagnons, qui est la méthode salafi, la voie salafi. Il leur recommande de s'asseoir auprès des hommes de science salafi et de lire les livres qui traitent du tawhid, l'unicité d'Allah, les livres du dogme, les livres du hadith, les livres du fiqh, de la jurisprudence. Voilà comment doivent faire les étudiants en sciences, craindre Allah subhanahu wa ta'ala et être en garde contre les da'awat hizbi qui veulent diviser leur rang et disperser leurs efforts et disperser leurs efforts et les affaiblir. Donc soyons en garde contre toute da'wa hizbi, que ce soit la da'wa de l'Ikhwan, la da'wa de Sofia, la da'wa de l'Tablir, la da'wa Ash'ari qui commence à apparaître malheureusement en France par le biais de certains prêcheurs, la da'wa Sofia, la da'wa Ash'ariya, tout ça caché sous le suivi de l'madhab de l'imam Malik. Tu les entends dire suivre l'imam Malik. Il n'y a pas de mal à suivre l'imam Malik. C'est un grand imam. Mais pourquoi tu le suis uniquement dans le fiqh? Et tu suis des gens qui sont venus après lui dans l'aqidah. Pourquoi tu ne le suis pas dans le fiqh, dans l'aqidah également? Si tu étais sincère, c'est pas un imam dans tous les domaines de la religion? C'est ce que nous croyons. C'est un imam dans tous les domaines de la religion. Et nous disons de même pour les quatre imams. Et ils ne sont pas les seuls. Mais ces quatre imams, leurs élèves, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé des élèves qui ont gardé, qui ont préservé leur science et l'ont propagée. Mais il y avait des imams comme eux dans la science et plus grands encore que eux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu cela pour ces quatre imams dont les écoles, dont la jurisprudence sont propagées partout dans le monde. C'étaient tous des imams salafis avec une aqida salafia. Notamment l'imam Malik et son élève, l'imam Shafi'i, et l'élève de l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad. L'imam Abu Hanifa, c'est un imam dans la religion. C'est un imam dans la science. Il y a quelques points qui se comptent sur les bouts des doigts qui ont été rapportés de lui, surtout dans la définition de la foi. Si c'est vrai, alors il faut savoir que personne n'est à l'abri de l'erreur. Et ça ne remet pas en cause son imam dans la religion. Mais l'erreur, on la met de côté. Et on ne suit pas un imam dans son erreur. Si on suppose que ça a été rapporté de lui authentiquement. ces quelques points dans l'aqidah qui se comptent sur les bouts des doigts. Mais je ne connais pas quelque chose qui a été reproché aux trois autres imams dans le domaine de l'aqidah. Dans le fiqh, l'imam Abu Hanifa, c'est sans aucun doute parmi les plus forts d'entre eux dans le domaine de le fiqh et de la jurisprudence. Mais l'handicap qu'il avait, contrairement aux autres, aux trois autres, c'est qu'il n'avait pas accès à beaucoup de hadith. Et dans sa région de l'Koufa, il y avait beaucoup de gens qui inventaient des hadith. C'est pour ça qu'il faisait attention à ce qu'il prenait comme hadith. Et du coup, il n'avait pas accès à beaucoup de hadith. Contrairement à l'imam Malik, qui était dans le berceau de la science médine, l'imam Shafi'i, qui a étudié à Mecca et à Médine, et l'imam Ahmad, c'est celui à qui Allah a permis de regrouper le plus de hadith. Il mémorisait 1 million de hadith. Rahimahumullah. Donc, soyons en garde contre ces gens-là qui disent suivre le madhab de l'imam Malik dans le fiqh et ils tombent dans une forme de fanatisme même par rapport à ce point. Mais pire encore, c'est qu'ils cachent, beaucoup d'entre eux le cachent leur aqid ash'ariya et ils n'osent pas encore en France le dire clairement. Ils ne voient leurs égarements dans l'aqidah que ceux qui ont la science. Donc ils cachent encore cette aqidah jusqu'à la propager dans leurs suiveurs petit à petit et ensuite la dire clairement et ouvertement. Et ça n'existait pas avant en France, en tout cas pas à ma connaissance. Des prêcheurs français, francophones, jeunes qui appellent à l'Ash'ariya et qui appellent au Sofiya. Malheureusement, c'est des ignorants, je ne sais pas est-ce qu'il y a quelqu'un derrière eux, rien ne m'étonne. Lakin, de venir et de dire que quand il était soi-disant salafi, je ne sais pas s'il était déjà salafi, son cœur était dur et il ne connaissait que les critiques et les rodoudes jusqu'à ce qu'il s'est éloigné de la salafia et il est rentré dans Sofia et là il a senti la douceur du cœur. Quelle ignorance! Peut-être que toi t'étais dans l'erreur, toi, ta personne, mais salafia c'est pas ça. Wallahi, il n'y a pas mieux, il n'y a pas quelque chose qui permet d'adoucir le cœur et d'avoir l'apaisement et la quiétude et la sérénité et tous les biens. Il n'y a pas quelque chose de meilleur que le Coran, la parole d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur cette voie jusqu'à le rencontrer. Et le cheikh y poursuit en disant, le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde contre les prêcheurs qui appellent au feu de l'enfer. Et il n'y a aucun doute que dans ces voies hizbi, il y a énormément d'erreurs. C'est pour ça que l'étudiant en sciences doit être en garde contre toutes les formes de hizbiya et de fréquenter les cercles de sciences des savants salafis et de lire leurs livres. Surtout les livres dans lesquels il y a la mise en garde contre ces égarements. Mais le hizbiyin, même s'il te donne des paroles mielleuses, sache que dans leur discours, il y aura du poison caché dans ce miel, mélangé à ce miel. La 24e question, ils lui ont dit, Ya Sheikh Ahmad, qu'est-ce que tu penses de certains étudiants qui disent, moi, je ne reconnais pas le statut de Sheikh Zayd al-Madkhali comme un savant salafi, ni Sheikh Rabi al-Madkhali. Je ne les considère pas comme des savants. Et je ne prends pas de la science. Je ne considère comme savant que Sheikh Ibn Baz. Quel est votre conseil pour ces gens-là? Ça, c'est des choses que vous pouvez entendre aujourd'hui. Moi, je prends que de Sheikh Ibn Baz, Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Uthaymeen, mais par contre, je ne prends pas de Sheikh Rabi'. Sheikh a dit dans sa réponse, nous demandons à Allah de les guider et de les orienter vers ce qui est meilleur pour eux. Car Sheikh Rabi' et Sheikh Zayd, tous deux, font partie des savants salafis qui conseillent la communauté. Donc il doit les considérer comme des savants et de ne pas les critiquer sans fondement. Car critiquer ces savants qui appellent à la sunna, c'est critiquer la sunna à laquelle ils appellent. Pourquoi tu critiques Cheikh Rabi'? Parce qu'il est petit de taille, grand de taille. T'as quelque chose contre lui. Pourquoi tu le critiques? Tu le critiques pour sa méthodologie, pour son manhaj salafi. Donc cette critique, c'est une critique de le manhaj salafi en réalité. Comme bien même, il ne le dit pas explicitement. Mais si tu regardes et tu cherches, tu vas trouver qu'il n'est pas d'accord avec le manhaj salafi auquel appelle Cheikh Rabi'. Mais c'est dur pour lui de dire, moi, je ne peux pas suivre ce manhaj salafi. Lakin, pour lui, le problème, c'est Cheikh Rabi' ou Cheikh Zayd, rahimahullah. Cheikh, il poursuit en disant, mais nous disons que ces hommes de science ne sont pas infaillibles. Écoutez la justice et l'équité des savants salafis. Ils nous accusent de vénérer Cheikh Rabi' et de croire qu'il est infaillible. Wallahi, c'est pas vrai. Regardez ce que Cheikh dit. Il dit, nous croyons que ces hommes de science ne sont pas infaillibles et ne sont pas à l'abri de l'erreur. Mais leur méthodologie est salafie. Si tu as des erreurs que tu as constatées sur Cheikh Rabi', sois un homme, pas comme ils ont fait certains en France, qui ont critiqué Cheikh Rabi' d'une manière subtile, en montrant aux gens qu'ils les respectent. Parce qu'ils savent, s'ils les accusent clairement et explicitement, c'est eux qui vont tomber. Donc ils viennent avec une introduction dans laquelle ils te montrent son respect et sa considération et l'estime de Cheikh Rabi' qu'il a, l'estime, le grand estime qu'il a pour Cheikh Rabi' et ainsi de suite, des introductions qu'il ne va pas tarder à démolir. Et après, il dit, nous, on ne prend pas tout ce que Cheikh il dit. Si tu as des preuves, avance-les clairement. Dis, je ne suis pas d'accord avec Cheikh Rabi' dans tel point. Il n'y a pas de mal en cela. Mais ils ne peuvent pas le dire, les Anna, ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas de preuves. C'est des gens, ils ont écouté des choses, ils les répètent. Si tu as des preuves, viens et dis clairement que tu n'es pas d'accord avec Cheikh Rabi' al-Madkhali dans tel point. Et voilà mes arguments. Et voilà les arguments que lui, il a avancés qui sont faibles pour moi. Dis-le comme ça. Amma, yani, critiquer, dénigrer subtilement, ça ne convient pas à un étudiant en sciences. À quelqu'un qui a vu les hommes de science, qui s'est assis auprès d'eux et qui a plié ses jambes devant eux. Ça ne convient pas à un talib ilm. Donc, ils ne sont pas à l'abri de l'erreur, mais Cheikh, il appelle les étudiants à lire leurs livres, à étudier leurs livres, et de voir, et de regarder toute la vérité qu'il y a dans leurs livres, et d'être en garde contre les livres des Hizbi. Et si tu veux prendre directement de Cheikh Ibn Baz, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Prends de Cheikh Ibn Baz. Mais interroge Cheikh Ibn Baz. Interroge Cheikh Ibn Baz au sujet de ta position à l'égard de ces deux hommes de science, Cheikh Rabi et Cheikh Zayd. Et demande-lui, est-ce que c'est des savants salafines ou pas? Et regarde comment il va te répondre. Est-ce que ce sont des hizbiyyin? Est-ce que c'est des gens, des corrupteurs? Ou c'est des gens qui appellent à la sunna et à la salafiyya? Et suis ce qu'il va te dire. Comme ça, il lui dit, Cheikh. Il lui dit, suis ce que Cheikh Ibn Baz va te dire. Et ensuite, il dit, et je suis sûr et certain qu'il va faire leurs éloges et qu'il va demander de changer cette position que tu as vis-à-vis d'eux. Allahu Akbar. Dans la 26e question, Cheikh Hafidhahullah, Cheikh Rahimahullah, Cheikh Ahmad, est interrogé, « Ma ra'yukum ya fadilat al-Sheikh, mimman ta'lamounahu biqurbikum min ulama'i al-Madinati bi sifatin amma, wa bi sifatin khassa, al-Sheikh Rabi'un ibn Hadi al-Madkhali, al-Sheikh Rabi'un ibn Hadi al-Madkhali, fa'inna kathiran min al-Shabab yaqulun, إن الشيخ ربيعا يطعن في المشايخ والعلماء فما رأيكم في هذا؟ Bien évidemment, rappelez-vous que Cheikh Rabi est un élève de Cheikh Najmi, rahimahullah. Cheikh Najmi, il a dit qu'il a énormément profité de son élève Cheikh Rabi. Il dit, par modestie, il dit que c'était mon élève, mais aujourd'hui c'est moi qui profite de lui. C'est lui mon Cheikh. Il m'a devancé dans la science. Ça, c'est la modestie de ce grand savant. Lakin, sans aucun doute, Cheikh Rabi', Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de dévoiler ses da'wah hizbi comme personne ne l'a jamais fait avant lui. C'est lui à qui Allah a permis de dévoiler l'Ikhwan dans la péninsule arabique et de dévoiler Sayyid Qutb et Hassan al-Banna. Et il a rencontré énormément de résistance de la part de certains hommes de science en Arabie Saoudite, qui n'étaient pas du tout d'accord avec lui. Lakin, regardez, aujourd'hui, l'État est arrivé à la position de Cheikh Rabi' il y a des années et des années. Ils ont compris la corruption dont ont été la cause cette secte de l'Ikhwan. Alhamdulillah, qui les a dévoilés, même pour les dirigeants. Donc ils disent que Cheikh Rabi, il critique les hommes de science. Quel est votre avis au Cheikh? Il a dit, ça, c'est une falsification de la réalité. Cheikh Rabi' ne critique pas les hommes de science, ceux qui se conforment au livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, ceux qui font partie de Al-Sunna wal-Jama'a, mais il critique ceux qui sont tombés dans des innovations. Il poursuit en disant, Cheikh Rabi' fait partie de Al-Sunna, Inch'Allah. Et ceux qui les suivent, qui sont sur la même méthodologie que lui, parmi les gens de Medina, ils sont tous des gens de la Sunna. Et on ne dit pas d'un d'entre eux que c'est un innovateur. Mais ceux qui disent, qui accusent les savants comme Cheikh Rabi' de ces accusations, ce sont les Hizbiyin qui veulent falsifier la réalité. Et ensuite, il y a des ignorants qui viennent et qui répètent ce qu'ils leur disent. Ils pensent que c'est une vérité alors que c'est faux. Et ainsi, ils sont leurrés par leurs propos. C'est pour ça que les étudiants en sciences doivent être vigilants. Ceux qui défendent le dogme de Tawhid, le dogme de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, on ne dit pas d'eux qu'ils critiquent les savants. S'ils montrent les erreurs de certains ou les innovations d'autres, ça, c'est un devoir. Donc, Cheikh Rabi', il a critiqué des gens qui sont des innovateurs à la base ou qui soutiennent les innovateurs. Et il a montré leurs erreurs en voulant le bien de la Ummah. Par conseil à la Ummah. Donc celui qui fait cela pour conseiller les jeunes et les éloigner de l'Hizbiya, on ne dit pas de lui qu'il critique les savants. Ça, c'est pas vrai. Ceux qui disent ça, ce sont les Hizbi. Pour faire détester les savants salafis, et en particulier les savants de Médine, aux gens, et aux étudiants en sciences, et les éloigner d'eux, afin de pouvoir propager leur venin, sans résistance. Donc, on va peut-être nous arrêter sur cette question et nous continuons, Inch'Allah, la semaine prochaine. Si jamais vous avez une question au sujet de ce qui a été dit, n'hésitez pas à me l'écrire dans les conversations et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.